Les nouveautés à la Maison du cinéma de Sherbrooke cette semaine. Gurov et Anna, de Raphaël Ouellette, en anglais avec sous-titres français. If you didn't understand the Chekhov text, why did you decide to read it the other night? I don't know. I guess it seemed important. It's the perfect short story. I've been going back to it most of my adult life. Gurov had two lives. One open, seen. And known by all who cared to know, full of relative truth and relative falsehood. And another life running its course in secret. I want to have dinner with you. It's always been against my principles to fraternize with the students. T'es-tu en amour avec moi? C'est pas la bonne question. Would it kill you to say what you mean? Don't explain my actions to me! Explain them to me! I can't lose you. I just can't. You're dropping everything in your life that's valuable and ordinary. Exactly, it's ordinary. Are you still writing about me? Yes. La Passion d'Augustine, de Léa Poole, en français. Nous vivons une année de grands bouleversements, où plusieurs épreuves viendront ébranler notre foi. C'est qui elle? Une nouvelle pensionnaire. Mademoiselle Alice Champagne. C'est ma nièce. Il n'y en a que pour la musique dans cette école. Vous jouez pas d'instrument, vous? L'orgue le plus majestueux qui soit, Mademoiselle Lepage. La langue française. Ma générale? Mais Augustine, quelle belle surprise! Votre obsession pour la musique nous coûte une fortune. Vous voulez fermer mon couvent? Je ne vous en savais pas propriétaire. Si notre congrégation doit survivre, nous devons la réformer. Transmodernisme, on a l'air des veuves du 18e siècle. Exode vers les écoles publiques est irréversible. À moins de miracle, nous ne serons plus ici très longtemps. Qu'avez-vous l'intention de faire? On va se battre. À la défense de notre couvent. Et oser faire ce que les religieuses n'ont jamais fait. Du bruit. Les religieuses d'un petit couvent situé au bord du Richelieu lancent un cri d'alarme. Au nom de nos convictions. Pour nos filles. Pour la musique. Pour tout ce que nous croyons juste. Et par-dessus tout. Parce que j'aime profondément ce couvent. Ici, nos filles apprennent que la musique peut être une prière pour l'âme. Faites confiance à la Providence qui a toujours su assurer votre avenir. Encore faut-il savoir l'aider, ma mère. Le ciel fait souvent la sourde oreille. Le tireur, de Pierre Morel, en français et en anglais. J'ai fait des choses épouvantables. Raconte-moi. On croyait donner un coup de main, mais c'était tout le contraire. C'est toi le tireur désigné, Jim. C'est la pire erreur que j'ai jamais faite. L'assassinat non revendiqué a donné lieu à de violentes confrontations et mené à une véritable catastrophe humanitaire. Jim, pourquoi t'es là? Quelqu'un a tenté de me tuer il y a 3 jours. La compagnie, ils font table rase. On doit se débarrasser de lui. s'assurer qu'il fera pas de vagues. Tu t'en fais pour rien, Jim. Le passé, c'est le passé, oublie ça. Laisse tomber. C'est jamais arrivé. C'est clair. Tu veux vraiment jouer à ça, Félix? Avec moi? Il paraît que vous détenez des informations. Vous voulez nous dire ce que vous savez? J'ai des noms, des dates. J'ai tout enregistré. Je vais divulguer tout ce que j'ai, le monde entier verra. Et que la fête commence! L'ennui, c'est que du point de vue de la compagnie, t'es la dernière menace qu'il reste à éliminer. Dans ce cas, je crois qu'on a fait le tour de la question. On m'a piégé! Ils vont essayer de nous tuer tous. Insurgé, de Robert Schwenke, en français 3D, en anglais et en anglais 3D. Qu'est-ce qui se passe? Maman! Aussi à la maison de cinéma cette semaine, L'Empreinte de Carole Poliquin et Yvan Dubuc en français. Chorus de François Delisle en français. Une nuit pour survivre de Jean Colet-Serra en français. Cendrillon de Kenneth Branagh en français et en anglais. Autrui de Micheline Alto en français. The Second Best Exotic Marigold Hotel de John Madden en anglais avec sous-titres français. Chappie de Neil Blomkamp en français. Focus de John Requa et Glenn Ficarra en français. Toujours Alice de Wash Westmoreland et Richard Glaser en français. La chanson de l'éléphant de Charles Binamy en français. Kingsman, service secret de Matthew Vaughn en français. 50 nuances de gris de Sam Taylor Johnson en français. Le jeu des limitations de Martin Tilden en français.